Ah oui, c'est pas pire, ça. Ouais, j'ai découvert ça vendredi soir passé au show de Vidéoville, puis c'était la grosse soirée avec tous les amis. Là. C'est le jeu à pogner Cédric, d'ailleurs. Ouais, pas lui qui joue du Game Boy. Yeah, il joue du Game Boy, le gars, là. Bah ouais, c'est vrai, ça vient d'un Game Boy 4 bits. C'est assez débile. Wow. J'essaie de tourner autour du pot, là, c'est parce que c'est les mutants de la deuxième humanité. Bon, c'est la première fois que je l'ai dit à la TV ou à radio ou chose. Dans un média, en tout cas. Dans un média, c'est ça, c'est vraiment les mutants de la deuxième humanité. Version française de Checker Ben ça. Rats. Ah! Ça fait tout le sens. Ben oui. Je comprends rien là-dedans, mais c'est du post-apocalyptique italien. On est dans les années 80, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a baladé d'assez fréquente façon. Toi, Étienne, on est rendu à quelle lettre dans ton spécial? Ben, on avait commencé le G avec Gilbert Delorme la semaine passée. J'ai encore une coupe de G, puis après ça, on tombe d'aplomb dans les H, man. Bon, ben, d'aplomb dans les H, ça va faire mal. Et puis sinon, ben, on a notre ami Sébastien Crête qui est là, lui, presque digitateur. Ouais, c'est ça, voilà, je trouvais ça bien drôle. Et puis, ben, il va nous faire des tours. T'as même parlé de peut-être invoquer Allah. Ou non, c'était Mohamed, hein? C'est ça? Toi, tu pouvais invoquer Mohamed? Oh, c'est toute la même. Ok, c'est... Bon, ben, en tout cas, on va essayer peut-être d'appeler Mohamed en studio. On sait pas si... Tout le kit est éparpillé sur la table, les cartes. Ah oui, il y a des cartes, puis le sac. Le c'est iPhone, sérieux? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'iPhone? C'est pour Satan, ça. C'est pour appeler Dieu. Hey, puis toi, Cédric, dans le fond, on va parler du party des deux ans. Là. C'est une émission qui va quand même passer assez vite, j'ai l'impression, malgré que plusieurs amis sont à Québec. Ben oui, plein de monde qui sont manquants. J'ai apporté plein de beaux livres aussi, si jamais on a des Ah, puis moi, j'ai devant moi le plus beau ramassis au monde. Ma vie, normale, amour, l'humain et le divin. Oh, oui, on va lui demander, comme d'habitude. D'aller un petit bout. Une biographie de 75 pages. Pour commencer ça, là, moi, d'habitude, je mets une toune qui me rappelle mon passé. Là, puis là, ça va être Red Rider. C'est un band canadien. Puis elle s'appelle Breaking Curfew. C'est ça. À 70%, puis on revient pour écouter des séquences de... Hey, dites-le avec moi, les gars. Les mutants de la deuxième humanité. Fabuleux, à 70%. We take our refuge in a higher place. Je l'ai gardé pour la rançon en cas de besoin. Je ne voulais pas que vous soyez tenté. Bien sûr. Qui mieux que le plus salaud des fils de putain peut savoir ce qui se passe dans la tête des fils de pute. Ici Réal V. Benoît, ancien mineur chanteur de l'Abitibi, qui est reçu aujourd'hui très gentiment par Choc FM, la radio universitaire de Montréal. Réal V. Benoît. Oui, sur un fond de Jack Hill avec son solo de Chainsaw en arrière. Même si on l'avait planifié, ça n'aurait pas sorti aussi bien, c'est non, sûr. C'est sûr, on n'aurait pas pensé à ça. Hey, Sébastien, tu fais face à des choses que tu n'as jamais vues? Ah, oh, écoute, pas comme ça, non. pas dans cet ordre-là. Non. essaie de décrire. Bon, ben écoute, c'est mes suggestions de livres de la semaine. c'est tout d'abord, mes trois sélections sont arrêtées sur, premièrement... dans un format Reader Digest de couleur rose foncé et rose pâle. J'ai ici entre les mains la vie secrète des Backstreet Boys. Oui, c'est du matériel assez juicy ça. Ouais, je vais prendre une page au hasard. Comme ouais, lis-nous un secret. Là. C'est donc une question qui leur a été posée. PG-13 pour vrai. c'est une question qui leur a été posée là. Lire un petit extrait. Comme ça. C'est-tu traduit ou c'est en anglais? Ah non, c'est en français. Ah, c'est rien de moins. C'est tout traduit. Wow. Tiens, un extrait de ce que Nick a dit. attends, c'est lequel pour mettre en perspective? Ben, en gros, ça, c'est jeune Nick. Ou ah, c'est celui blond, qui a une face de cheval? Blond. Non, Celui qui a une face de cheval. celui qui est gay, c'est lequel qui est gay? Là? Ah non, moi, j'ai ressemblé à Nick. Là. Toute mon adolescence, là, j'ai touché des seins parce que je ressemblais à Nick. Ah, puis, c'est bon à savoir. Ouais. C'est la vie secrète de Cédric Taillon. Lui puis Devin Sawa. Là. Mais doppelganger dans le monde. Vas-y, nous-le ton bout. Mais Nick reste réaliste et conscient de ce qu'il vit. Après tout, lorsque je m'arrête à y penser, je me rends compte que je vis des moments fabuleux. Je visite plein de pays et des lieux extraordinaires et je gagne ma vie en chantant et en dansant. Hein, quand même, ça te donne une idée du reste. C'est profond. C'est ce qu'il fait, ça a l'air assez profond. A des belles photos. Il y a une question qu'on posait à chaque Backstreet Boys qui est « Est-ce que tu es célibataire? » Puis je vous laisse deviner la réponse de chacun, là, mais... Ben, je vais vous donner un indice. Il y avait toute la même chose. On a encore des chances. Ils sortaient tous avec le gérant. c'est ça. Et puis, le deuxième livre. Ma deuxième sélection, c'est « Je parle avec le Seigneur ». Donc, on voit une madame non identifiée dessus. Bon, on sent que tu as des goûts assez hétéroclites. Ouais, hein, c'est le fun. C'est un changement. C'est une espèce de livre de prière. Ça. Donc, on a ici un recueil de prières. Et puis, la chanson « Je t'aime », d'ailleurs, qui est... qui était... moyenne, je dirais. Et puis, finalement, de Rénal Tremblay, on a le livre « L'Anse et Compte ». Donc, avec une couverture jaunie. Inspiré de la série. Écoute, ça vaut la peine d'en... Inspiré de la... L'atmosphère s'est tendue, Mme Lambert lui a caressé le front. « Tu ne te sens pas amoché, au moins? » Ça tire dans le genou, a-t-il vivement répondu en grimaçant. moi, pendant une dizaine d'années, là, j'avais le poster peint de Lance et Compte avec Paul Newman dessus. Là. J'ai ça dans la tête. Là, ben, Lance et Compte? Paul Newman? Ça, je pense que Lance avec Slapshot. Regarde, Tommy, t'es arrivé avec un poster d'Alexandre Despatie. Alexandre Despatie. C'est un peu la même affaire. Pris dans la revue 7 jours. Le héros Alexandre Despatie, n'a pas oublié. Moi, ah ouais, je pense que c'était 7 jours de 2005 ou de 1995. Non, 2005, parce qu'en 95, ça aurait été indécent. Ouais, il n'a pas été en bédendant. Oui, c'est ça. puis, c'est quoi qu'il y a de particulier avec ces livres-là? Dans le fond, c'est toi, Étienne, qui les a trouvés, puis tout. Là, oui, en fait, pour de vrai, je les ai achetés dans des bazars, et puis le but, c'est de les vendre à l'enquêteur.org pour les 2 ans du douteux qui aura lieu quand déjà, Tommy? C'est le 29 mai, bien sûr, Étienne. Okay. Vous allez trouver l'adresse sur le site www.douteux.org. gênez-vous pas, là, c'est un loft, il y a d'habitude du... C'est quoi, il appelait ça? Du flamenco. Ah, ah, je pensais que c'était du... Ouais, c'est pas... En tout cas. Je pense que c'est du flamenco. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, ben, à la place, on va faire un party avec des peintres et des presque digitateurs. Presque. Des, y a-tu plus qu'un peintre? Moi, je veux le connaître, là. Ben, je pense que... on voulait faire un show de télé-réalité. Il y a Devon Sawa qui est supposé passer, mais il se fait nice. Souvent comparer à un peintre. Picasso a décommandé finalement dernièrement. Ouais, c'est ça. Il s'est dit qu'il était trop décomposé pour tenir. Ah non, mais pour vrai, là, parlant de peintre, là, moi aujourd'hui, je me suis fait briser le cœur. Mon idole est mort. Ben ouais, on en parlait. Toi. C'était Frank Frazetta. Celui-là encore, ça va rester mon idole. Là, puis j'espère que dans un autre monde, dans une autre vie, on est bon pour se boire une bière, moi, puis lui. OK? Ben, c'est bon, ça. Okay. Damage lives on aussi. Ouais, certain, avec Conan the Barbarian. Ouais, c'est lui qui a pas mal donné le visage du barbare moderne, comme on le connaît. Là. Ben, ouais. Moi, j'aime celui avec le gros méchant qui passe entre le serpent qui passe entre les jambes qui revient en face. Hey, tu connais ça, Tommy Tyler? Ben là, je connais Frank Frazetta depuis jadis, mon gars. Yeah, moi aussi, allez tout voir ça, là, tapez ça dans Google, là, puis allez vous renseigner sur le plus grand peintre de tous les temps. Là, puis en voyant ses affaires, là, rappelez-vous que le gars, il utilisait pas de référence. Là. C'est tout sorti de son imagination. Mmh. Yeah. C'est fou, devenu une référence. Puis c'était même un excellent lanceur au baseball. Mais oui! Un homme de tout talent. Et voilà, il est rendu là, on s'en va vers DJ George qui va nous présenter tous les talents lui aussi. Ah oui, j'ai beaucoup de beaux talents aujourd'hui. Moi, je parle à ma chaîne, puis rendu là, c'est toi le patron. C'est bon. Fait que, on va commencer avec une magnifique chanson de la famille Soucy qui s'appelle Get Up Sam Sam. Donc, c'est le titre qui commence par G aujourd'hui. Donc, je trouve ça que c'est un bon départ parce qu'il y a une invitée ici, là, que vous allez voir, qui va introduire le tout. Antoinette Bergeron. Oui, hey, Antoinette Bergeron. Antoinette. C'est sa belle voix. Dis-moi pas que c'est vous qui m'a parti le parti. Ah oui, maman. Va avoir répondre, elle va nous chanter quoi, là? Oh, je pense que je vais vous chanter Walk Drop Sam Sam. À la main de la musique! Ça sent bon le terroir de chez nous. Ça s'annonce incroyable. Un homme à cheval et l'autre à pied. Un homme à cheval et l'autre à pied. Celui de cheval m'a demandé à Walk Drop Sam Sam. Peux-tu baisser le son de mes écouteurs? Il est là, t'as ton propre piton. Est-ce qu'elle chante aiguë ou est en train de se morfer roadkill? C'est pas clair. Mais non, c'est l'hiver, elle n'est bouchée. C'est pas juste aiguë en même temps, c'est comme nasal. Nasal, une voix de si. C'est comme le prénom Daphné. On dirait que c'est tout d'un sinus. On salue les Daphné qui nous écoutent. Hey, ça tape ses nerfs. OK, next. Next. On a quand même t'a fait un bout. Ouais, ouais, bon, ben, 1 minute 15. C'est ouais. Le pire, c'est qu'elle reste dans la tête. C'est ça. Ah oui, demain matin, là, vous allez vous réveiller en chantant. Autant qu'une abeille qui bourdonne, je veux dire, j'ai compris rien. Non, mais moi, un autre soir, dans une autre salle avec d'autres mondes, là... T'écouterais d'autres choses. Je te suis. OK, je vais enchaîner avec une version fort palpitante de Guantanamera qui a été refaite des millions de fois, mais ça, c'est probablement la pire version. Yeah! Parce que c'est supposé être drôle en même temps. Ouf! C'est une blague! Effet spécial. C'est Jacques Desrosiers, alias Patoff, qui a fait ça avant d'être Patoff. On dirait qu'ils sont sourds. De vacances, Carole, le monde sourd. D'un pays qui n'existe pas. Rappelle-toi des problèmes. C'est hypnotique, ça. Mais on a eu à trouver ça. Et maintenant, quand j'y pense, j'avoue que je suis très bien à Hongkong. Monsieur le réalisateur, excusez-moi, mais vous trouvez pas que la mélodie... Hey! C'est pas tout ça. Ok, on lâche pas. Il va se fâcher, là, après, tu vas voir. Il y en a un qui pose dans la gang, là, vraiment, là. Ah non, il y a pas tout ça. On dirait qu'il vit dans le fond de ma tête, là. Excusez-moi. À l'honneur de tous ceux qui sont morts au combat ou partis à Québec. Entre le Mexique et Antigua. Non, ça marche pas! Non, effectivement. Chantage de fou là. Ouais, mais au moins. Vous êtes en train de vois pour ce qui est là. Des chantages de fou. Ok, tu viens de nous la skipper d'en face. Non, je pense que c'est l'MP3 qui est un peu endommagé. Ah, qui s'auto-skip. Ouais. Même l'ordinateur. L'MP3 pas... s'est suicidé. Ouais. Pour la première fois à la radio, le suicide de MP3. Qui est plus capable. Ben, bravo à Patoff en devenir. C'est un embryon de Patoff. Ouais, c'est ça. Dedans, on voit, il était juste fantaisiste. Patoff qui est beaucoup plus qu'une légende, qui est quelqu'un qui a déjà existé. Ouais. Et il faisait des jokes d'humour. Ah oui, des jokes d'humour drôles. C'était d'autres choses que du slapstick. Là. Il y avait des fois 2 jusqu'à 2.1 niveaux. Là. Ah oui, c'est fou. Ça finit. Écoute, j'en ai d'autres, Jacques Desrosiers, qu'un jour je vous ferai jouer. Vous verrez toute la profondeur. Ah. Arrête, on dirait que le sol se dérobe sous mes pieds. Aïe, on est-tu encore des... Il me reste un G. OK. Et quel G c'est? Parce que c'est un espèce de double G. C'est Georges de Gafferi. Non, de Giaferi, pardon. Donc, Georges, tu dis toujours fort, qui nous chante Sado Mazo. Puis ça, c'est excellent, c'est étonnant. Oh oui, on a le clip de ça. On a le clip. Le clip est intéressant. Oui. Pas mal. Il ajoute vraiment quelque chose. Il y a une vision du sadomaso un peu étrange, genre. Là, ça un peu funky, je te dirais. Ça consiste beaucoup à manger des affaires dégueulasses. Ouais. Ah! Oh, c'est beau! Oh, bon, ça. Allez, bois ton huile de ricin. Bah, c'est gras. Termine ce litre fillette. Oui, mais pas plus. Et brûle-moi le bout des seins. Avec quoi? Au tison de ta cigarette. Ça sent cochon grillé. Pour avaler une araignée. Encore, je trippe là. Tu nous en fais bien des histoires. Toujours des araignées. Pour terminer ta bouchée. Oui, mais la dernière. Tu vois, c'est pas la mer à boire. C'est ouais, toi c'est... qui le dis! Avaler des araignées ou de l'huile de ricin. Oh, ouais, c'est ouais, vraiment c'est surtout de manger des crap à dap. Ouais, c'est pas mal ça, le sadomaso. Ouais. Ah. vous irez voir le clip sur YouTube. Hein. Ouais, sadomaso, Georges de Giaferi. On dirait qu'il y a un malaise. Des araignées dedans? Ben, pas pour de vrai. Oh. On devrait mixer ça avec un clip de Fear Factor ou Fort Boyard. Ça me fait penser à une anecdote cocasse du cinéma. Parce qu'à un moment donné, dans 12 Monkeys, là, Bruce Willis, ouais. Il est dans le passé, là, puis il mange l'araignée présent. C'est ça, il mange l'araignée, puis c'est une vraie araignée qu'il prend et qu'il mange pour vrai. Fait que pour lui rendre la chose moins dégueulasse, il l'avait saucé dans le chocolat avant. Wow! C'est bien moins pire. Mais ben, t'es-tu vivante, genre? Il l'avait mis dans le chocolat vivante. Tant qu'à être rendu là, tu sais. Tu sais. C'est hardcore. C'est bien moins dégueulasse avec du chocolat. C'est ça, c'est bien mieux d'imprimer aussi des papiers glacés pour apprendre, en tout cas. Tout ça sur fond de l'autre qui aime ça manger. Ouais, des... Ah oui, des cafards et des autres affaires. La bouche bleue, mais... Je n'arrive pas à couper. Ok, c'est ça. C'est trop, ça s'arrête là. Mais c'est un peu ironique en même temps que la toune sadomaso soit aussi souffrante à écouter. Elle lascive. Mettez ça sur loop et faites l'amour à votre dame. Ouais, en lui faisant manger des araignées. Donc là, écoute, je tombe dans les haches, là, puis je vais avec un gros canon tout de suite. Herbert, c'est sûr. Non, non, pire. Pire que Herbert, je pense que c'était préféré. Ah, Mimi. Mimi es-tu? Ah, non. J'ai trouvé un 33 tours de Mimi es-tu. Puis c'est rare qu'on en trouve, surtout de cette période-là, parce que Mimi es-tu, rappelez-vous qu'elle a été découverte, à 8 ans. En gagnant le concours des jeunes talents à Catélie. Ils sont bons, eux autres, Mimi es-tu. Ouais, tu particulièrement est excellent. Ouais, ouais. Puis après ça, à un moment donné, elle a arrêté, puis elle est allée étudier, puis elle est revenue à 18 ans pour relever d'autres défis. Relever de nouveaux défis, merci. Des défis de vie. Ouais. Puis là, c'est là qu'elle a vraiment beaucoup pogné quand t'étais jeune adulte. Puis ça, c'est facile d'en trouver, mais des disques de son enfance, il y en a pas beaucoup. Fait que là, je vais vous faire jouer deux magnifiques chansons de Mimi es-tu et sa jolie voix pimpante. La première, ça s'appelle Ookie Cookie. Alors, c'est difficile de faire plus cute que ça. Elle, elle explique... C'est pas un Pokémon, ça? On peut pas désentendre quelque chose. Non. Mimietsu, c'est un Pokémon, oui. Oui, c'est ça, puis elle a évolué. C'est pour ça qu'elle est revenue plus tard. Donc, Ookie-Cookie, c'est son nouveau mot qu'au lieu de dire OK, qui est complètement dépassé, elle nous explique maintenant, elle dit Ookie-Cookie. Vous aussi, vous pouvez commencer à faire ça. Ben, voyons. C'est permis à la maison. On part ça. Ah, shit, ça va faire mal. Dis-moi qu'est-ce que ça veut dire. Quand les gens me demandent si je suis bien portante et si je suis contente de vivre et de m'amuser, de danser et de chanter, je leur révèle mon secret. Je dis qui cookie. Il faut de temps en temps choisir un mot charmant. C'est le côté enfant que nous devons toujours garder. Et au lieu de dire ok, qui fait un peu c'est, démodé, c'est sûr qu'elle va y aller du Japon bientôt. Je dis qui cookie. Ça, c'est le bout de vieille pub de Cinépark, là. Non, mais c'est-tu moi ou elle sonne comme une vieille femme qui imite une petite fille, là? Ouais, ouais, ouais, elle a une voix très particulière. Moi, je pense que la tête joue trop vite. Elle me fait penser à la voix de la prêtresse dans Akira. Ben, moi, je trouve personnellement que sa voix, si on l'a vieillit un peu... Antoinette Bergeron! C'est pas très loin de... Oups, pardon. De Antoinette, là. Wow. Antoinette Bergeron! J'ai comparé, là. Antoinette Bergeron, oui. Hey, Antoinette Bergeron. Antoinette, man. Dis-moi pas, c'est lui qui va partir le parti. Tu sais, il y a quand même... C'est exactement, ouais. C'est vrai. C'est deuxième tune. Comme de... il a dit au début, une vieille dame qui veut avoir l'air jeune. C'est ça. La voix de Bart et Lisa Simpson. Ainsi va le Mimi et tu au monde. Oui, et Mimi et tu, le fait aussi « Je voudrais un mari ». Elle faisait souvent des tunes pas appropriées du tout pour son âge. Elle doit ressembler à l'annonce des nouvelles slush de provisoire. C'est comme un enfant par un vieil. Un vrai petit mari, je le voudrais. Petit, mignon et bien gentil. Mais qui ne attends, elle parle plus d'un mari, là, c'est ça? Ouais. Papa, pour un mari, je cool. veux dans ma maison agir à ma façon, régner, gouverner puis, à on ma se demande, guise. L'âge à ce moment-là. Je fais la loi. Ouais. Ok, dans à 8 ans. Cela le déprime. Je parle de se marier par 8 ans. Ouais, ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Elle a fait une autre chanson qui est. Qui est tombée en amour avec un gars, puis elle veut lâcher l'école, puis partir avec. Puis elle apprend ça à son père. Ouais, ouais, à 8 ans. À 8 ans. C'est du power décrochage. Ouais. Du power. Non, mais elle savait ce qu'elle voulait. Hein? Ouais. Oh, tab. Ça vient vraiment me chercher. Ouais, c'est fort. Hein? On dirait un tétard avec des cordes vocales. Je suis pas capable de me faire une image de sa face. Elle a pas l'air, elle a pas l'air de ça. Ah ben moi, j'ai une image de tétard. J'imagine une petite madame de 3 pieds de haut, genre. Non, elle a vraiment l'air d'une enfant de 8 ans normale. Ah ouais? Regardez, je veux juste, puisqu'on en parle, je vais vous faire jouer la toune où elle décroche. Non, papa, je ne veux ah. Ça, c'est ça, là, ça. Quelle sorte d'animal, ça, tu disais? Ah, hey, ok, là, trois, là, wow! Hey, je pense que je vais mettre une page de pub et on va aller voir un bout du film. C'est bon, ça? Ouais, parce que là, il faut se remettre de ça. Hey, trois minutes d'affilée, les gars, là. Ouais, c'est le taux de chapeau. Film, c'est bon, ben, c'est le taux de chapeau! Avant, on va mettre une petite page de pub de notre commanditaire de la semaine. Là, ça change un petit peu comme ça me tente. Là. Et voilà, donc on remercie bien sûr Monsieur Muffler. Ouais, ouais, une bonne chose de ça. Ces fameux Muffler de 12 pouces. Hey, on, tout de suite, on saute dans le film Appié semi-joint. C'est les mutants de la deuxième humanité. Tu sais, ben ça, ils nous mettent en situation. Ça commence. On sort des recommandations qu'il faut pas faire de copies. Là. C'est ouais, c'est ça. Hey, ça promet. Les mutants de la en l'an 2015 de l'ère chrétienne, c'est la bientôt. Bêtise et la folie humaine triomphèrent. Des centaines de bombes atomiques dévastèrent les cinq continents. Quelques survivants, terrorisés par le massacre et par la désolation qui régnait à la surface de la Terre, allèrent se réfugier dans des souterrains. C'est ainsi que naquit l'ère de l'humanité après la bombe, celle de la deuxième humanité. C'est pas la voie après des un siècle de cette survie au sous-sol, quelques hommes et femmes ne supportant plus les lois de la nouvelle humanité choisirent de retourner vivre au grand jour. C'est ainsi que naquit une nouvelle race de primitifs, qui n'eut plus aucun contact avec les gens du sous-sol. Ceux de la deuxième humanité, qui considéraient les primitifs comme des sauvages. Les primitifs de leur côté tenaient les membres de la deuxième humanité pour des ennemis. Cette histoire commence à la surface de la Terre en l'an 225 après la bombe. Je suis homme 2.0. Fait que là, si on a bien compris le calcul, on est rendu en exactement 2240 after Jesus the Christ, que tout le monde adore. Mm-hmm. L'excellent Les Mutants de la deuxième humanité. J'aime ça, c'est Simon Chénier qui a choisi ces temps-ci les films, puis on se sauce un petit peu plus dans ma filière, on va dire. Je suis un grand amoureux des post-apocalyptiques italiens des années 80, ouais. Ainsi que des films d'action, de dernière mission, de vengeance personnelle au Vietnam, en situation de blonde kidnappée profondément en quarantaine d'ennemis soviétiques, là. Le réalisateur du film de ce soir, c'est-à-dire Les Mutants de la deuxième humanité, s'appelle Bruno Mattei. Puis Bruno Mattei, ben, on va en parler une autre fois, parce que c'est sûr qu'on va présenter un autre de ses films dans le futur. En fait, Bruno Mattei, c'est connu, pour en parler un petit peu quand même, là, comme étant le Ed Wood italien. Wow. Moi, j'aime ça, Ed Wood italien. Ouais. Et j'aimerais souligner que pour faire aussi suite à mon discours de la semaine passée, que Bruno Mattei est, dans le monde des pseudonymes, le grand gagnant avec plus de fausses identités que n'importe quel autre travailleur du monde du cinéma. Et puis, ben, pour ceux qui s'en souviennent, Albert Pyun est surnommé le Ed Wood des années 90. Ce qui mène notre total de Ed Wood rencontrés à date à 3. Wow! Outre l'excellent Bruno Mattei, ce film vous montre, ben, en fait, nous montrera les prouesses des méthodes de distribution de l'époque. Comme vous le savez, le format cinéma est de 16:9. Celui de la télévision, donc des clubs vidéo, est de 4:3. Quand les films présentés au cinéma sont transférés en format de club vidéo, on doit appliquer une coupure savante d'un côté de chaque image pour ramener l'image au bon format. Boo. C'est ce phénomène qui explique les bandes noires en haut et en bas de certains films pour l'avoir en glorieux 16:9, ou des fois les têtes rallongées et aplaties qu'on voit dans des génériques de films là, que ça ne tentait plus de couper parce que ça venait après en post-prod, ces affaires-là. Dans les films de qualité, chaque scène, chaque image est découpée minutieusement. Dans Les Mutants de la deuxième humanité, ils font ça avec une tranche à papier spéciale en quelques secondes. Ça explique pourquoi certains plans sont vides de quoi que ce soit. Ça, c'est assez fabuleux. Wow. T'sais, ils prennent un bord, là, puis là, ils mettent ça à 4:9, puis là, ils font tchac. Et voilà, on passe au prochain. Ça donne ce que ça donne. Il faut en faire 10 après-midi, bien important. On est dans le film, on est à 4 minutes 20, on vient de passer, ben, en fait, c'est un petit peu avant, là, on va la laisser finir. C'est une gang de motards, on les entend, ils viennent d'arriver dans un nouveau village, une espèce d'oasis, plein de nouveaux espoirs. Ouais, mais c'est un bon fond de n'importe quoi, ça. Là. Ouais, c'est là. Ça ressemble à ton gars qui joue du Game Boy. C'est quoi son nom à lui? C'est, il fait la trame sonore de la majorité des films d'Enzo G. Castellari aussi. Ça va me revenir. Ok. En tout cas, en attendant, on va aller à la 9e minute 20, parce que là, ils viennent de débarquer. Ouh! Ils viennent de débarquer de sur d'à côté le synthétiseur. Très, très crédible. 9 minutes 10, oui, on rentre dans la bâtisse, on fait des recherches, on découvre des choses. La musique d'ambiance. Vous voilà. Dites donc, en voilà de la bouffe. J'ai trouvé du sucre! Du vrai sucre, moi! Vous ne comprenez donc pas notre veine? En parlant-nous de tout ça! De la bonne marchandise! Tout le monde en a! Ça, c'est à moi, je l'ai vu le premier! Non, non, c'est à moi! Des haricots! Ce sont des haricots! Il y en aura pour tous! C'est ça, c'est moi qui l'ai vu le premier! Ah, c'est un glorieux festin! Ah ouais, c'est ça, ça y va! Des haricots, de la farine, du sucre! Ça peut se faire des haricots au sucre, ta farine. C'est ça. Et puis, je suis devenue blanche, les enfants! Ils sont tous dans le cadre de la caméra en plan américain. Là. C'est vraiment l'orgie de nourriture. Ça sent les adultes. Là. Je suis plus c'est quoi l'affaire de blanche? Là? Que ah, je sais pas, c'est très, très, ah, très subjectif. Ça sent. Il y a du bébé. C'est tout des blancs. J'étais sûr que tu parlais de la fille au début. Ici, c'est le paradis. Hey, pour une année. C'est cool. J'adore ça, le plaisir qu'ils ont. Ça, ça oui, me touche vraiment. C'est contagieux. Hein. Ils sont où, nos haricots et notre farine? Mais là, il y en a une qui est allée à côté et qui a vu quoi qui bougeait pas. Voilà, ce n'est plus le paradis. Tout à coup, paf. En dessous de la couverte, il y avait le puits de paradis. C'est la couverte interdite. La parole est vidaire. Ouais, tu sais, là, wow. Faut toujours qu'elle aille trop loin. Il y a des blessures horribles. Que s'est-il passé? Peut-être bien que des hommes se sont battus férocement en se disputant les provisions de cette baraque. Mais que faisait-il recroquevillé sous les couvertures? Vous trouvez ça logique? Peu importe la façon dont ce type a pu se faire descendre. Assez de bavardage inutile. Nous avons affaire. Que peux-tu vouloir faire? Primo, s'assurer qu'on est bien en sécurité dans cette baraque. Il reste encore des haricots! Donc, moi, je vais peser pause là. On va y revenir un petit peu plus tard. On sait c'est quoi la première mission. On est rendu au paradis. Ouais. À ce temps, il faut s'assurer faut qu'on sécuriser. Est en sécurité. Mm-hmm. C'est ça. Assez particulier. Hey, DJ George, as-tu une chanson que tu veux nous faire jouer là, au complet, mettons? Là? Ah, ça serait cool, hein? Ben ouais, n'importe laquelle. Là. Une okay, ben... que tu peux déborder de ton mandat habituel et sortir du GHI. Là. Ah, ben même, j'en avais une, moi, d'un H que j'aurais aimé entendre au complet parce que ça fait longtemps puis et je l'aime voilà, beaucoup. Et voilà, ça, c'est une excellente réponse, Valage. Hein? Alors, évidemment, c'est un super succès de Hervé Christiani. Le fameux Baba au rhum. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, puis je l'aime bien, celle-là. Et voilà, à 70%. Tout à fait. On revient après. Bon. Ben, reste. Tu sais comment ça va. C'est ça. La crème dégouline sur le Baba au rhum, mais moi, j'ai pas de cuillère. C'est vrai que j'ai fait une grosse bêtise. Je me suis fait prendre par excès de gourmandise. La main dans la chemise de Marie. La crème dégouline sur le baba au rhum. Et moi j'ai pas de cuillère. Je m'appelle Gugus et j'ai 15 ans. Et je suis déjà un bon amant. Ma petite amie depuis longtemps a perdu sa fleur dans le vent. Le vent qui parfume ma vie, de garnement qui fait semblant tout gentiment de rester un petit enfant. Tout beau, tout blanc, faut pas faire pleurer ses parents. La crème dégouline sur le baba. Je suis puni, puni, puni, puni, puni pour moi. Pas de dessert. On n'est pas sur le même voltage. Papa et moi, on parle pas le même langage. On visite pas les mêmes rivages. La crème dégouline sur le baba au rhum. Et moi, j'ai pas de cuillère. Je m'appelle Gugus et j'ai 15 ans. Et je suis déjà un bon amant. Ma petite amie depuis longtemps. semblant tout gentiment de rester un petit enfant, tout beau, tout blanc, pour pas faire pleurer ses parents. La crème dégouline sur le baba au rhum, et moi j'ai pas de cuillère. Bonjour, on est à 70% avec les amis. Je suis content de vous voir. Comment va la calice? Ouais, c'est Simon Préjean, ben. Ah oui, on le reconnaît. Oui. Puis, ça va, Adonde? Après quoi t'es en crise aujourd'hui? Asti, Michel Jean, tabarnak. Un autre calice de grenasse. Fais-tu bien ça, rappeler? Non, non, mais là, regarde, on va mettre de côté, là, OK, là, là, moi, là, je m'y suis remis à l'actualité, là, ça, les affaires de cadavres, pis tout, ça va faire, là, j'ai commencé à recueillir le journaux, si ça m'a tellement mal à Chris, t'es plus capable, t'es en train de péter une coche, fait que j'ai quitté, là, en ce moment, j'appelle du Japon! C'est bon, il est quelle heure, là-bas? Ben, là-bas, il est l'heure de femme ta gueule, mais là, si... Sauf que là, l'affaire, moi, j'étais pas tant bien raide. Je me suis dit, bah, je vais me sauver, j'ai un moins de cave là-bas. J'étais en train de fabriquer des bébelles puis des outils, des cafés électroniques, là. J'ai un moins de tata. Ben non, si, c'est plein de cave, tout avec. Je comprends rien. Sauf que là, si, j'ai eu le malheur de traîner dans mes bagages un journal métro, là, tu sais, le petit Christ journal de 4 pages avec plein de pubs, là, qui oh, donne des métros, là. Oh non. Pis là, j'ai une excellente nouvelle dedans. J'ai commencé à être en calice. Si j'ai fouetté une coupe de passeurs en passant. Si je me. Là, là, j'ai fait une recherche internet pour voir si c'était vrai cette histoire-là, pis c'est vrai, calice. Écoutez bien ça. C'est quoi, là, t'as Michel Jean, là, à prendre sa retraite. Jusque-là, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise, par exemple, c'est qu'en temps de crise économique, tabarnak, là, là, on va avoir une pension de 130 000 piastres à vie. Ah. 130 000 piastres par année à vie. Ah, là, là, je sais pas si vous le savez. Réel, là. Parce qu'elle a fait du bon travail. T'es juste jaloux. Jaloux, jaloux. Hey, premièrement, pendant que sa job était juste de faire des speeches, sa job, si c'était payé 193 000 $ par année. Là, si elle décide de prendre sa retraite à 37 ans, si, puis on lui donne 130 000 pour aller se pogner le cul dans un domaine, si, de 8 millions, man. Je comprends rien, si, tabarnak. Ils sont tous de même. Encore les pleurer. Gens du monde sont. Mais là, ils ont-tu fait ça pour chaque gouverneur général? C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Ils font ça toutes les calices de politiciens, man. Ça crée pas rien. Ben oui, je le sais, man. Toutes les astuces de ministres qui siègent, je vais leur donner des milliers de dollars, ceux qui décident de ne plus vouloir travailler. C'est encore lisse. Ben, deviens ministre, man. Ouais, dis-moi, tu sais. Ouais, c'est la vie. C'est vrai, je suis incapable, je te jure. Je te verrai, mon gouverneur général. Bientôt, on va appeler ça parce que c'est une gosse, aussi. Bon, ben, commence pas à jouer avec des bombes encore, toi, là. T'es au Japon, là. Eux autres, ils ont pratiqué des affaires chimiques, là. Ouais, ben, là, parce que, ouais. Ben, là, je vais aller à fouetter une coupe, là. Ils sont drôles, man. Ils sont tout petits, man. T'es tapé, t'es tapé, t'es tapé, t'es tapé, t'es tapé. Attention, c'est du karaté, c'est mon gars. Et là, j'essaie de trouver des NGM, pis ça, ils sont un peu plus durs à trouver. Ben, ils sont peut-être encore plus insidieux, t'es connais, les NGM, là. Ah, ils sont pas arrêtables, hein, mais c'est ça, d'après moi, ils sont tous au Québec, les calices. Oh, mais là-bas, c'est raspeux. Ah, c'est vrai, là-bas, ils sont purs. Ah. Ils restent chez eux, eux autres. Eh oui, fait que je vous laisse là-dessus, have fun, je vous salue, puis je vous aime bien, même si je l'ai dit jamais, puis je préfère vous insulter à la place. Ah, on le sent, Colin, ils t'ont attendri, les Japonais. Non, ils t'ont dit, boire du saké, là. Ils viennent rencontrer une. Non, mais c'est moi qui vais les attendre, moi, ils vont fouetter le cul, man, moi, ils vont tabasser pour attendre la viande avant d'y goûter, mes gaulistes. Ben, et voilà. Eh ben, merci, après Jean, on va se revoir bientôt, c'est sûr, là. Yes! Bonne semaine! Ouais, on t'aime, même si on n'a pas ben de raison. Ouais, je comprends ça. Ciao, right, la gang! À bientôt! Là. Allez, on va se reperdre encore dans Sons of Butchers, là, puis on revient à 70%. C'est important leur opinion ici, je pense. Ouais, ouais. C'est constructif. alpha de aptitude, de attitude, de opinion, de choquer, Sébastien Crête. Ouais. Exactement. Alors, moi, je te connaissais pas avant. C'est quoi, vendredi? Pas vendredi, jeudi, c'est l'autre, en tout cas. Whatever. C'est ça. Puis là, moi, là, je t'ai dit qu'on avait besoin d'un magicien. Puis t'as dit, ah, ben moi, je fais de la magie. Puis là, ben, tu m'as montré des trucs. Puis là, j'ai dit, bon, ben, on a trouvé un magicien. C'est pas des trucs. Tant mieux, je te l'ai dit. C'est des expériences. C'est de la magie. Ben ouais, mais tu m'as assez fait peur en fait là. Voilà. J'ai trouvé mon maître spirituel. C'est bien sûr. À présent, prosterne-toi. C'est ça. Hey, il m'a fait disparaître une boîte de Kleenex dans la face, fait que là, je me suis téléporté pour aller pleurer dans la cuisine avec mon bois 1. Je comprends. Ben ouais, un bois 1, c'est hot, ça avait l'air défensif. J'avais un crate de canettes de bière pleine aussi, fait que s'il approchait, je pouvais y lancer, mais finalement, il m'a brainwashé, là. Avec son journée, truc du 30 sous dans la canette, là, ça, c'était assez démoniaque. Hey, t'as quel âge, toi? 30. 30? Ouais. Puis, depuis quand tu fais ça, des expériences? Ah, moi, des expériences ésotériques comme ça, j'en pratique depuis l'âge de 7 ans. Fait, si tu fais le calcul, ça fait pas moins de 23 ans. Ça apprécie. Puis là, tu vas nous en faire un live, là, drette là. Ben, drette là, là, comme ça. Probablement le premier tour de magie à la radio. Hein. Exactement. Donc, pour vous et tous les auditeurs, je vais enlever mes bijoux, je pourrais être sûr que c'est pas d'interférence. Non, exactement. Les manches sont roulées. Trame sonore, DJ Jean, mes collègues ici pour y participer. Effectivement. On va demander à notre peintre favori. Pour la trame sonore, j'ai tapé magie dans mon moteur de recherche. Je suis tombé sur la magie de la flûte de pan. Aïe, aïe. C'est de l'armure en cuir que je me mets au poignet. Ouais. OK. Puis apparemment, je suis pas capable de le mettre comme ça. Bon. Fait que vas-y, Sébastien, amène-nous dans le monde des expériences. J'allais te donner ma main, je sais pas pourquoi, là, j'allais juste... Non, c'est correct, t'es prêt à participer. Mon grand maître infernal qui m'a montré les puissances du côté obscur. Là, il y a 6,25 sous là, dans sa main. C'est ça. Donc, je vous avais demandé tantôt 5 à peu près, parce que moi j'en avais un. À peu près, on a besoin de savoir pour ça si t'en fais disparaître, tu sais. C'est exactement. Tu vas le compter pour tout le monde, puis okay, un par un. Moi, je veux juste que tu t'assures ici que j'ai aucun bijou. Là, Pas de filage, pas d'aimant, oui, whatever. Ta bague de... Et là, je vais te demander de... tes dos. Là, je te... Moi, je suis droitier. Mais t'es droitier? Okay, on prend de la gauche. OK, on prend celle... Qu'on n'est pas bon. Non, ça n'a aucun lien. Aucun lien pantoute. Cool. Je veux que tu comptes les pièces une par une, mais que tu distribues sur la table, OK? Puis tu me disposes en deux rangées de trois, comme ça, dans chacune de mes mains. Okay. En deux rangées, en deux rangées, pas des colonnes, des rangées. Okay, voilà. Okay. Non, ça c'est des rangées, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens comme vertical. Ça. Vertical, ouais, c'est ça. Pas okay. Mal, t'es pas mal. Ça c'est des colonnes. Ouais, non, des colonnes sont empilées. Les colonnes sont empilées. Ça c'est une colonne de trois. Ça c'est une colonne de trois. Fait qu'en tout il y en a six. Exactement. Ma mathématique est bonne. Ok. Je confirme. Ok. Et là je vais mettre juste comme ça un petit peu en angle avec ça parce que je vais avoir besoin de toi. Afin que tu fasses comme un mur entre mes deux mains. OK, fait que là, il y a deux colonnes de 25 sous. Non, pas besoin de l'écrire, le monde à la radio. Ah non, OK. Voyez. Ben, hey, je vais... Moi, je... Une, donc, deux, trois. Donc, trois dans chaque main. Okay. Là, je veux que tu mettes ta main dans le milieu. Moi, je mets ma main dans le milieu. Dans l'autre sens, comme un mur. C'est là. Mais là, à verticale, ta main. Ah ouais, exactement. La gauche, c'est mal. Tu veux la gauche? Oui, la gauche, évidemment. Toi, mes mains s'approchent pas. C'est un poids. À peu près un pied de distance, là. Regarde, ouais. T'es-tu auditif ou visuel? Visuel, je disais. Visuel? Bon. Ben là, ça va être auditif. Okay. Écoute-le bien, tu vas l'entendre passer d'une main à l'autre. Mets-la devant le micro, là. Ouais. De... Ah, OK, ma main, ouais. OK. C'est bien. Faut pas mal, là. L'as-tu senti? Genre? L'as-tu entendu? Quelque chose, là. Je sais pas si tu m'as positionné sur la main quelque chose, là. OK. L'as-tu entendu? Pas ouais, aussi? Là, j'ai entendu. Là. Les okay. Forces obscures. J'en vois un, là, à travers un de tes doigts, un peu. OK. Regarde bien. OK. Il y en a quatre, il y en a deux. Ah, ouais. OK. On refait exactement la même chose. OK. Donc, dans une main... Satan! Ben ouais. Dans une main, j'en mets quatre. Une, deux, trois, quatre. OK. Une, deux. OK, on répète le même processus. Mets ta main devant le micro pour l'entendre. Plus proche un peu. OK. L'as-tu vu? L'as-tu entendu? Ouais, ouais, j'ai entendu. L'entendu, en tout cas. Du change. Bon. Ouais. Là, j'enlève ma main, ouais. OK. J'en ai cinq, j'en ai une. Attends, ben ouais. OK. Là, on va faire une autre affaire, mais je vais changer quelque chose dans le processus. L'éducation. Hey, mon champion capitaine, t'es-tu capable de me compter ça? Toutes les retombées. OK, alors 1, 2, 3, 4, 5. Exactement. Dans la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mets ta main comme ça. Tourne-la. Ferme ta main. Non, non, tourne-la. Non. Tourne-la. Mets ton main par-dessus. Non. Ferme-les par-dessus. C'est avec un 5, 25 cents. Je vais m'éloigner un peu. Là. Sébastien, okay. Il y a le dernier 25 cents. Ok, tu t'éloignes. Okay. Tu vois là, j'ai la sixième. Ça. Okay? Ouais, ouais, ouais. Je vais la prendre dans ma main, comme ça. Ouais. Je vais la prendre. Je vais l'envoyer dans ta main. Ok. Oh non! Oh hey, non! Là, je veux plus que dans sa main! Là, je veux que tu aies une par une. Vas-y, c'est à la table. Qu'on l'entende, qu'on le weigh. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Magique! Okay. That's it, that's all. C'est mon grand maître infernal! Merci, maître! Prosternez-vous, les enfants! Il a la capacité de détruire la planète et de créer des 30 sous! On avait Satan, merci Sébastien Crête! Ben ouais! Ça va ben plaisir! Incroyable, on est rendu avec le prestidigitateur de douteux.org. Bientôt, ça va juste manquer la horde de pornstar de doudou.org. On travaille là-dessus. On travaille ça. Là, je sais qu'il y en a sûrement qui se disent « Bon, bon, ils font juste dire n'importe quoi, puis c'est peut-être pas arrivé pour vrai. » Ben là, vous allez le voir, aux 2 ans de douteux, il va être là, puis il va le faire dans votre face, puis vous pourrez plus nier l'évidence. Dans votre main, plutôt. Face à la toute-puissance du démon Crête, grand créateur de ce que ça lui tente dans l'univers qui est à sa botte. Cédric Taillon, toi, oui. Depuis quand t'es peintre? ça va faire... En 2006, fait que 4 ans, 4 ans, ouais. 4 ans? 4 ans? Ouais. Colin, t'avais ça dans le sang? On dit, ouais, ben j'ai, en fait, effectivement, il y a 5 générations, il y avait des grands peintres flamands dans mes ancêtres qui peignaient... Les rois de la cour belge, pis tout, là. Et ouais. Voilà, dans ouais, les dents. Pis là, on parlera pas trop de peinture, tu vas nous amener au joyeux monde du très romantique Normand Lamour. Ben ouais, moi j'ai ouvert ça à une page, pis j'ai vu qu'au milieu, ça dit « à l'époque », fait que, il faut que je commence. Ça commence bien une histoire, ça. C'est sûr, c'est sûr. Puis je vais vraiment là, faire attention que je dis tout ça bien parce que la ponctuation est assez extraordinaire. Oui, oui. La ponctuation est pas facile. Fait que, OK. À l'époque. On est avec toi, Bob. À l'époque. Je n'allais jamais sur le coiffeur, je me faisais les cheveux moi-même. Je plaçais un miroir derrière ma tête. Je tenais ce miroir et je me plaçais devant un autre miroir qui me faisait face. De la sorte, je pouvais me couper le chignon. Et le tout jusqu'au tour des oreilles. Elles sont grandes. Ça me prenait du temps pour faire le tour. Je ne me préoccupais pas vraiment s'ils étaient bien coupés, mes cheveux. Parce que je portais à l'époque une perruque et plusieurs perruques. Pas deux perruques sur la tête en même temps, mais une perruque à la fois. Et je disais à mes clients et clientes qu'elles étaient celles qui m'allaient le mieux. Dans le temps, il y avait des perruques pour femmes. Oh, attention là, petite différence. C'est ça qui s'achetait. Que je ne me payais pas trop cher, alors j'amincissais les cheveux et je pouvais me faire une perruque d'homme avec. Hein? C'est une perruque avec ses propres cheveux. Ben non, avec des cheveux de perruques de femmes, vous catchez pas là. Bargain, tu sais. Non, mais c'est dur à suivre à cause de la ponctuation. Ben je sais bien, je sais bien. C'est parfait de même. Fait qu'il teint ses cheveux, il se coupe ses cheveux, puis ça c'était à 40 ans, les amis. Okay. C'est bien ponctué que c'est toi, pareil. C'est une merveille. C'est-tu la fin de ton extrait choisi, ça? Ben ouais, moi c'était pas mal ça, là. On peut continuer avec ces perruques. Hey, je tiens à préciser que sa biographie, que c'est quoi? C'est un feuillet de 75 pages? Ah, 106. Dans un cahier spiralé. Ouais. Ah, ouais. C'est puis, excellent. C'est rien de moins qu'excellent. C'est ta patte dactylo, ça? Je sais pas, là. C'est un old immense school, paragraphe. Baby. C'est ça que moi, je trouve c'est intéressant. C'est ça! Ça arrête il pas! Il se détache. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de plusieurs paragraphes. Non, c'est back à back. Un mot après l'autre. C'est une grosse phrase. Oui, oui. C'est super. Il y a beaucoup, beaucoup en fait, on devrait le lire avec des stops, tu sais. Ouais, c'est comme un télégramme. Hey, le gagnant d'un concours publicitaire, on l'a vu tantôt, c'était Mimi Etu. On va aller se plonger dans quelque chose d'autre avant de revenir pour la deuxième partie du blog de DJ Georges. Merci nos deux invités de la soirée. Ben oui, ça a été très divertissant. Merci à vous, toi, Tommy. Arrête là. Merci, Mike. T'es beau en plus. Je ne suis que votre humble serviteur. Peux-tu me plugger bien vite, là, que le monde aille voir mes belles affaires? Ben, plug-toi là, puis on te repluggera tantôt. Ah ouais, ça laisse faire ça, là. Ben, je vais vous laisser l'honneur. Arrête, bon. Ben, ça a toujours l'air moins pire. On va y en revenir tantôt. Exact. Mais je suis très vaniteux, pareil. En tout cas, moi, je veux juste vous dire que je suis en train de contempler les boules à Sarah telles que peintes par notre ami ici sur son site web, puis je vais donner l'adresse tantôt. En passant. Pour tous les ceux qui veulent les voir aussi. Hey, Potty Dance de Huggies, là, vous allez voir, c'est vraiment c'est fabuleux. C'est toi qui fait ça, c'est wow. Ah, ouais, merci. Mommy, I have to go potty. I'm gonna teach you a little dance. Call the potty dance. Now don't get scared, it ain't too hard. Don't you worry. Now just follow my lead, alright? Yeah! Put your left hand out. Put your right on top. Let them drop. And do the hula hoop, or do the potty dance. Put your left hand out. Put your right on top. Let them drop. And do the hula hoop, or do the potty dance. Come on, yeah! Yeah! You're doing it! Okay! All right, now here's part two. You put your knees together, then you cross your legs, and then you shake it around, you shake it around, you shake it around. You do the potty dance, put your knees together, then you cross your legs, then you shake it around, you shake it around. Now you're doing the potty dance. Put your left hand out, put your right on top, let them drop. Do the hula hoop, do the potty dance, put your knees together. And then you cross your legs. And then you shake it around, you shake it around. Everybody do the potty dance. All right, we're gonna double it up. It's gonna be fast. Look out. 1, 2, 3, 4. Put your left hand out, put your right on top. And then you let it drop into the hula hoop. Put your knees together, then you cross your legs. Then you shake it around, you do the potty dance. Put your left hand out, put your right on top. And then you let it drop into the hula hoop. Put your knees together, then you cross your legs. Then you shake it around, you do the potty dance. All right. Yeah. All right, folks. You're big kids now. You don't need diapers anymore. You're growing up, look at you. Growing up tall and strong. Carrying your big old bobbly heads all around. I love it. Yeah. All right, come on. Put your left hand out, put your right on top. And then you let it drop and do the hula hoop. Put your knees together, then you cross your legs. Then you shake it around, you do the body dance. All right, sing it. I'm a big kid now. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans Roboflic 2. Vous avez l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. Wouhou, c'est nous autres, ça! En attendant, il y en a partout à ce que je vois de ces maudits rats. T'énerve pas, Taurus. Au fond, ces animaux sont à plaindre. Si tu étais un rat, imagine-toi l'effet que ça te ferait d'être toujours pourchassé par des types comme toi. Ils ne s'en font pas autant, parce qu'en voilà un autre. Où est-ce que tu as l'intention d'aller? Hé, Duke! En voilà un qui n'est certainement pas un animal à plaindre. C'est un dur de dur, pas facile à déloger. Tu sais pas t'y prendre. Faut pas s'énerver et y aller tous. Quel joli raton qui va faire ce qu'on lui dit. Tu vas sortir de là-dessous. Le tonton Duke va s'occuper gentiment de toi. Il veut rien savoir. Il sort pas. D'accord. Alors c'est moi qui vais t'attraper. Fais attention, cette sale bête peut te mordre. Ne t'inquiète pas, je sais m'y prendre. Ah, il m'a mordu. Oh. Attention. Je suis le roi des bufferons, on m'appelle le lumberjack, je fais le tour du Canada, je fais le tour des grands lacs, en mettant la petite pitoune que je suis capable d'en couper. Je suis né dans le bois et je vous dis que je connais ça, le bois rouge, le bois blanc, le bois mou, le bois franc, je peux les différencier car c'est mon métier de les marquer. que je suis fort à prouver. J'ai de bons poignets pour me tenir en forme. Je peux taper cette ovicote. Voici mécanique. Je suis capable de l'allumer. Quand j'ai besoin de ma hache, je suis capable de la filer. On est-tu d'un hache parce qu'il parle de hache? Ouais. Non, mais en fait, son nom, c'est Hal Willis. Ah, le frère de Bruce. Puis lui, il chante le Lumberjack. Tu vois, il a la carrière dans le même domaine. Ouais, même affaire. Bruce Willis a déjà fait un album. Ouais, Bruno. Bruno, The Return of Bruno. Puis la drame sonore de Hawkman, de Hudson Hawk aussi, il chantait pas mal de tunes dessus. C'est vrai. Tout à fait. Que, mais c'était pas aussi bon que Hal Willis. Checker les là. Ah, ça c'est bon ça. C'était-tu assez Lumberjack à votre goût? Il y a rien qui fait plus Lumberjack que Telly. Ah, mais avec une voix éraillée comme ça, là, on voit qu'il en a fait des camps. Sinon, dans un tout autre ordre d'idée, là. Des fois, s'il te plaît. Ouais, tu vas le regretter d'avoir approuvé mon changement. C'est... Oh, on a non, ici Helmut Lotti, tiré de son album Pop Classics. Ah, ben ça, c'est au moins, c'est son meilleur. On a un connaisseur à côté. Cool. Donc là, il nous reprend, c'est en méta-cochonnerie, Héloïse de Donald Lautrec. Elle est en anglais. She knows I'm there, and heaven knows I hope she goes. Il est accompagné d'un orchestre symphonique en plus. C'est une grosse solution. Méta Gaspés. Faut se rendre au refrain. C'est ça qui est bon. Comme d'habitude. Elle a vraiment une belle voix, la femme. Il doit être castré, lui, c'est ça. C'est ça. Moi, quand j'entends quelqu'un qui chante aigu, tout de suite, j'ai le goût de mettre Hell's Bells. Ouais. Mais... Ah oui, de bien! Chanté par Wing. Remix total au clavier. Helmut Lotti chante avec ses fausses cordes vocales sur le I d'Héloïse. Au moins, c'est une vraie guitare, ça. Non, ça, c'est tiré de l'album Wing Sings More AC/DC. Parce qu'il y avait juste Wing Sings AC/DC au début. Mm. Ça, c'est parce qu'elle les écoute. C'est sûr. Puis elle se dit, j'en ai pas fait assez. Moi, juste imaginez Wing qui écoute du AC/DC, c'est drôle. Hein? Juste ça, ça serait bon. Longue intro musicale. C'est minimal pareil. Hein. Ouais, c'est assez minimal. Ah, oh, attends, c'est dans la voix. Ça va te réinventer le minimal, moi. Faut que ça fait jusque-là, ça fait du suspense. Ah, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Elle est payée dans la vie pour chanter. Elle chante les chansons comme elles auraient dû être chantées. Selon. Hein? Là. Pas évident. Toujours dans le bon tempo. Ça. Non, mais essaie de descendre le treble un peu, quelque chose. C'est délicieusement affreux. Si vous aimez ça, les gars, il y a 16 albums de Wing. Les oreilles sont en feu en studio. Les gardes de sécurité savent que quelque chose va pas. Comme à monter par une pleine lune. Pis ça, c'est quelle sorte d'animal, au juste? C'est un néo-zélandais. Ouais, elle vit en Nouvelle-Zélande, mais née en Chine. Elle s'excuse aux deux peuples. Tu peux même y écrire sur son site web, puis elle peut t'appeler, tu y payes un certain montant, elle peut t'appeler toi ou quelqu'un de ton entourage. Puis là, elle parle ça dans les oreilles. Puis elle chante une chanson de ton choix, puis elle chante Bonne Fête, puis des affaires de main. T'as-tu la toune que t'avais chanté Bonne Fête? Ah, tu l'as... Ah ouais, t'as envoyé l'enregistrement. Je l'avais enregistré moi-même avec les moyens du bar, fait que c'était vraiment... Le son était à l'avance. Ouais. Mais elle m'avait chanté Beat It. Wow! T'imagines, t'as envie de raccrocher. Moi, j'avais juste envie de rire, personnellement. Non, mais attends, c'était avant ou après la mort de MJ, là? C'était... c'était avant. C'est pas des fans, ça l'entend la guide. Quand tu dis MJ, là, ouais. C'est Mary Michael Jane. Jackson. Okay. C'est juste deux lettres. Ben ouais, man. C'est un symbole, là, gros. Chapeau à ceux qui ont masterisé son album. Il a rattrapé Mr. T. Il y a un remake, il y a un film qu'ils font sur The A-Team, puis c'est même pas Mr. T, tu sais, je suis très déçu. Ouais. Ben, il est rendu pas trop gros. C'est pas grave. Il est rendu juif aussi. Ah ouais. Wow, ou scientologue, là, une affaire spéciale. Ouais. C'est la même affaire, ça. Juif ou scientologue. Ah non, juif, c'est vrai, c'est Adam Simpson. Ouais. Okay. Hey, check le solo de guitare. Solo. On dirait que c'est un escalier qu'il joue, tu sais. On dirait que ça joue dans un centre d'achat. Ah ben merci, là, on a eu assez d'Else Bells, là. Ah. C'est resté. Bon, comment qu'elle s'appelle, elle, que je... Elle s'appelle Wing. Wing, comme des ailes. Comme une aile. Parfait. Dans le sens qu'elle vole pas vraiment loin, tu sais, elle peut flapper sur place, c'est tout. Voilà. Elle tourne en rond si c'est juste une aile. C'est ça. J'enchaîne avec mon idole, Joël Denis, qui reprend haut les mains. Grand succès. C'est pas celui de... Fait tout le temps les intros comme ça. On a fini les H là, on est dans les... Là c'est haut les mains, c'est transparent. Haut les mains. Ah bon. C'est une petite dip, ça, ça c'est tiré de son album de 1991, le Yaya Party, dans lequel il tentait maladroitement de faire un retour en remixant au goût du jour ses vieux succès et d'autres tunes poches de même. Wow. Ça fasse party. Party Yaya. Ouais. Parce que lui, il a fait toute sa carrière avec le Yaya. C'est quand même une tune relativement simple, dont on avait fait le tour, mais il nous a traîné ça pendant 60 ans. Et puis t'es vraiment public cible avec cette tune-là. Ouais, mais il y a personne de moins de 50 ans qui n'est pas tapé ses nerfs au plus haut point en entendant ce qu'on entend là. Mais ça, j'entends bien ça là, dans un party de Noël de ma tante Ginette. Elle sort ça, puis tout le monde se met à danser. Sur le même album, il y a une... Également, Hot Hot Hot. Oh, wesh. Il y a une grosse différence avec l'autre d'avant. C'est l'autre chanson de pseudo Sud. Avec l'intro parlé. Voilà, attention. Ben, attention. Non, mais ça personnalise la patente. Ouais. Fais ça à toutes ces tunes. Ah, ben là, c'est un peu moins personnalisé. Ça, c'est déjà ça dans les années 50. Il est plat, plat, plat, heureux. Comme en vacances, la nuit commence, il est ha, ha, ha. En français, mais c'est wow. J'aime la danse, quand ça c'est quand même danse, inévitable. C'est ha, ha, ha. Ouais. Y a du soleil. Au moins, c'est pas chaud, chaud, chaud. Non, parce que ça serait pas dans H. Fait que c'est ainsi que je conclue les H, monsieur. Ah, merci. J'aurais peut-être une demande spéciale, moi. Donc, voir. Pour ma mère, en plus. As-tu du Herbert Léonard? Oui, j'en ai quelques-uns. Pris en flagrant grand délit de tendresse. Ça existe-tu, ça, me semble? J'ai déjà mon pote, Sylvain Rassette, qui l'avait chanté ici, live. Là, c'est fabuleux. J'écoutais ça, moi, quand j'étais jeune. J'écoutais ça. Là. Ben, c'était ta mère qui écoutait ça. Alors, pour maman Crête... Pour toi, tiens, j'avais pas fait de cadeau à la fête des mères. J'étais trop chier pour y acheter une fleur. C'est ça, son cadeau. Bonne fête des mamans. C'est vraiment BS comme cadeau. Ben, je pense qu'on va l'écouter au complet pour toutes les mamans du monde. Ouais, toutes les mamans. Puis on va revenir pour le cadeau. Rendez-vous à chaque point à temps. Puis Herbert Léonard, il a pas du tout l'air d'un parti racheté. Vraiment pas. Il y a une cigarette dans les mains sur sa pochette de cet album-là. Tellement lassif. Tellement 70%. J'avais été loin, moi, au rustique. Ça arrive ça. Oh, ouais. Le restaurant, apportez votre pain. Ça te fait vraiment le fun. Écoute. Non. T'as-tu m'appelé? Signé ta napkin. Pris en flagrant des nuits. Oh my god. De tendresse. Encore tout ébloui de promesse. Avoir envie de toi. Envie de nous. Pris en flagrant des nuits. De tendresse. J'aime. Tu soupires contre moi et mourir soir. J'aime les mots troublants et secrets que tu murmures avant et après, qui font battre mon sang, trembler ma voix. J'aime quand tu gémis de plaisir et tout anéanti te sentis amoureusement blotti entre mes bras, pris en flagrant délit de tendresse, encore tout ébloui de promesses, avoir envie de toi, envie de nous. J'aime quand tu soupires contre moi et mourir en toi. S'est éteinte. Merde, merde, merde! J'aurais mieux fait de rester avec Lucifer. Toi, tu as la poisse. Toujours la poisse. Du calme. Réfléchis. Ça peut arriver à n'importe qui. Pas besoin d'avoir la frousse. Tu n'as qu'à me suivre. Attention, il y a un escalier. Ta main. On fait toujours attention dans les escaliers, même si on n'est pas dans les deux, mes mutants de la deuxième humanité. Cédric Taillon, tantôt, tu as parlé de Bécomo. Bécomo in the his house! Ben est-ce que ça avait rapport? Est-ce que c'est parce que tu viens de Bécomo? Je viens pas de là, mais j'ai grandi là de 91 à 2000, donc toute ma jeunesse. Oh, les années névralgiques, celle où t'étais cheap de pas aimer Ace of Base. À Bécomo, man. Bécomo, j'ai trouvé ça ressemblait à Rouyn-Noranda pas mal comme ville. Genre, ouais. Il y a comme un vieux Bécomo qui est sur le bord du lac, ben, là, puis ouais, avec les ben vieilles ouais. industries puis tout. Là. Ben ouais, puis ton père travaille dans une usine, puis ta mère est professeur, puis... Mais boy, hein, ouais. C'est pas mal la même affaire ben que non, moi. Ben non. Mais... Il n'y avait pas tant d'affaires, culturelles qui se passaient trop là-bas quand j'étais jeune. C'est pas là que j'ai commencé à être peintre. Mais j'avais juste dessiné là-bas. Puis, j'étais bien dans les comic books quand j'étais jeune, moi. Oh! Ah ouais, ouais, à fond. Je déshabillais les Wonder Woman. Puis, j'avais une collection de 30, une trentaine de dessins là, de comment j'imaginais que c'était... Un vagin de cartoon. Excellent, ça. Puis toi, c'est quoi ton site internet, là, si on va aller voir? Ouais, c'est un blog. J'ai décidé de chronologuer ma carrière parce que c'est arrivé assez vite. Fait que j'ai commencé ça de ma première toile à aller jusqu'aujourd'hui pas mal. Puis c'est le doodledream.blogspot.com. Donc, le D-O-O-D-L-E, dream.blogspot.com. Puis c'est ça, là. D'ailleurs, la gaz est affichée juste en bas. Ben oui, c'est ça. En bas de votre écran. Blogspot, c'est B-L-O-G-S-P-O-T. Et oui. Et voilà. Comme c'est C-O-M. Puis... Non, pas tous les Québécois savent c'est quoi un doodle. Là. C'est ce que tu fais quand t'es au téléphone, c'est une feuille de papier, là, ouais, un petit dessin par rapport. Non, c'est quoi ton site encore? Essaye de te plugger. Merci, man, merci. Ça. Poodle Dream, c'est ça? Poodle Dream. Hey, puis toi, c'est quoi, dans le fond, on t'a retrouvé parce que t'es un ami à Sarah, t'es un ami aux amis, puis... Là, t'étais peintre, puis t'avais fait une peinture de Sarah qu'on a appelée l'Impère Noël pendant la foire, ouais, qui a été quand même quelque chose qui a fait tourner les têtes et bouger les culs. Ben ouais, un gros addon, en fait, là. Moi, j'étais juste en train de me faire du fun à votre festival en novembre, puis c'est ça, octobre, novembre? Fin novembre. Puis ouais, ben j'avais cédulé de peindre Sarah le jour d'après, puis ce soir-là, il y avait un an à camp, puis j'ai acheté le c'est ça, là... L'Impère Noël. Le pire costume de Père Noël. Ah, trop hot. Fait en vinyle. Ouais, vraiment. Combien t'avais payé pour ça déjà? Je pense pour une douzaine, quinzaine de piastres. Ah, parce qu'on me le demandait l'autre fois, puis je me rappelais plus. Non, ouais, moi, écoute. Sérieux, il y a quelqu'un qui me demande. Ça vaut bien deux bières, cette affaire-là, là. Hey, ça a créé des légendes, c'est encore là. Il y a eu l'autre histoire de la photo du gars à côté du cheval qui s'était suicidé, là, une fois d'année, puis sa famille courait après. Était là. Aïe, aïe, aïe, trop. C'est weird. Ben ouais. Sapristi, ça. Ouais, c'est fou. Ah non, c'était magique. Puis là, tu t'es dit, on va refaire l'expérience pour les deux ans. Ben oui, on va faire quelque chose de mieux, en fait. Sarah avait été posée dans le petit costume, c'était un peu improvisé, puis c'est ça. Je l'ai peint pendant la foire, puis c'était bien le fun. Puis ça a fait une belle toile qui était achetée ce soir-là. Il y a la mère d'Evelyne qui m'a donné tout son argent. Avant que ça, j'ai pas eu le choix d'y donner, là. Puis elle nous a invités à souper, puis c'était le fun au bout. Fait que c'est ça, on va essayer cette fois-ci de monter la barre un peu. Moi, le douteux, ça me fait triper au bout, puis vous êtes toute une gang de bons personnages qu'on peut bien caricaturiser, je pense. Ben, merci! C'est l'institution, c'est rendu ben l'institution, ouais. Là, les douteux. Puis, fait que c'est quoi, on a dit qu'on s'alignait vers un... En fait, c'est Frazetta aujourd'hui, je l'ai eu dans la tête la journée, il est mort ce matin, fait qu'on va essayer de lui faire un petit hommage... Il était un grand peintre de posters de films dans le temps. Il faisait des What's Up Pussycat, puis c'était souvent des courses de monde en queue leu-leu qui courent toutes en action. Fait que on va essayer de faire quelque chose comme ça, ou peut-être à la Goonies qu'on s'était dit. Ah là, ouais, et... moi j'aime beaucoup les envolées de canards. Ouais. Moi, les personnages qui marchent en envolées de canards, là, ça nous arrive jamais dans la vie de marcher comme ça. Non, pourtant, c'est ça. On a vu plein, là. Ah oui, c'est hot. Ouais, ça va être parfait, ça. Avec ton doux de la godetterie, là, ça va être beau. Ça va être toute une expérience. Le cracheur de feu, on y a dit non, finalement. Parce que les zombies se sont dédistés. C'est plus vraiment nécessaire. C'est ça. Ça allait bien l'un avec l'autre. Fait que sinon, blanc. Hey, Sébastien, fais-moi un petit rapide là, avec qu'on aille voir un bout du film. Voir. Slum fera plaisir, mon ami. On a des cartes ici. Là. On va y aller avec un petit tour de cartes. Un classique. Okay. Hein, ah ouais. Quand on parle de magie, on pense toujours aux cartes. T'as encore besoin d'un cobaye? Avec plaisir. Ah tiens, je vais te prendre. Ok, ça va être mon tour. C'est exactement ça, monsieur. Dans Bulle à DJ George. C'est bon. Okay, approach, please. Okay. En fait, c'est très très simple. Ça se fait à l'aide de 13 cartes. D'accord. 12 principales. Alors, ici... Que je dispose en deux rangées de 6. Mmh. Comme des œufs. Ceci. C'est. Hey, bonne analogie, je trouve. T'es pas mal bon. Ouais, pour trouver des analogies. Des rangées de 6, puis t'avais 6, 25 cents tantôt. Ouais, puis... tu veux? C'est Satan, même, je te l'ai dit. Je te le dis, c'est cash. Tout est, hein? Puis il reste une 13e. Qui est ma prédiction? Okay. Mets ta main comme ça. D'accord. Je te dépose cette carte-là. Mets ton autre main par-dessus. Okay. Et voilà. Là, je regarde pas rien, là. Pas pour l'instant. Je la montre pas aux gens à la maison? Ils peuvent la voir, tu peux la remontrer. Mais okay. Là devant le micro. Voilà. Voilà. OK. Même si je la vois, c'est pas grave, je te l'ai donné, j'en ai 13, fait que je suis pas mal certain des 13 cartes que j'ai. Fait que là, il y a juste toi et l'audience qui sait c'est quoi la carte, c'est ça? Oh, non, ben je m'en rappelle plus, parce que je sais pas laquelle des 13 qu'il a pris. OK. Donc voilà, il y a deux rangées de 6, je vais te demander d'en choisir une, s'il te plaît, DJ Bo. Ben je vais prendre celle du bas. Celle du bas. Je vais la prendre et je vais te la donner. OK, en un joli paquet. Maintenant, de ces 6 cartes-là, je veux que tu me dises un chiffre entre 1 et 6. OK, mais je vais dire 5. Parfait. Épelons ensemble le mot 5. C-I-N-Q. Exactement. OK. C'est le moment-là que je pensais que t'allais. Voilà. Je revire à la carte de bord. On a un valet de pique. Et on a un valet de pique. Donc, jusqu'à présent, cette carte-là a été choisie avec, bon, ton intelligence. Avec mon input. Avec ton input, tes données à toi. Je me sens vraiment utile. Ben, voilà. Et j'avais, moi, une prédiction. Ouais. Qui se trouve... Dans ma main. Dans tes mains. Là, et que l'audience a entendu au vu, c'est ça. Puis là, eux, ils se disent, ah, il l'a. Ben oui, les autres, ils le savent déjà. Les autres, ils savent. Moi, je sais pas. Fait que là, je retourne, là. Ouais. Hé, hey, ça correspond. Ça correspond. Valet de pique. Mais là, te dis-tu... Peut-être que c'est tout des valets de pique, c'est ça. Voilà. C'est sûr que c'est ça qu'on se dit. Mais non, ce qui est impressionnant un petit peu, c'est que comme tu peux voir, toutes les cartes sont blanches. Ben oui. Satan, mesdames, messieurs! Rien de moins. OK. Donc voilà, tu peux examiner toutes tes... Ben oui, c'est vraiment des cartes blanches. Des boîtes de carton normales. Ben oui. Hey, c'est parfait. C'est parfait. On va écouter un petit bout des... C'est merveilleux. De voyons, il faut que je le dise, les sinon mutants ça de la pas, deuxième le... humanité. C'est ça, les mutants de la deuxième humanité. Tu le dis trop de fois, c'est sûrement après ça. Après ça, si on a 2 secondes, j'aimerais ça citer quelques bouts de Jonathan Roy. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Puis il y a aussi notre nouveau magicien qui est supposé nous appeler Mohamed tantôt. Ouais, vu c'est qu'on vrai. Peut le montrer à la radio. Ouais. Wow. Les habitants de cette baraque avait découvert un moyen pour que les végétaux se reproduisent artificiellement, comme cela se faisait jadis naturellement sur la Terre. Ah, je n'ai skippé quelques bouts, là, c'est vraiment celui-là ici que je voulais vous faire écouter. Vous allez voir, ça dure 2 petites minutes. Hé, hey, mettez-y une sourdine maintenant! Vous me faites suer, comprenez-vous, avec tout ce boucan! Vous savez que vous m'emmerdez à baiser ainsi? Vous empêchez tous les autres de dormir! T'es un crétin! C'est toi qui nous dérange! Tu râles tout le temps! Vous pensez pas que vous charriez? Si vous voulez pas arrêter, il y a des tas de pièces pas occupées partout pour vous! Ça suffit, vous deux. Taurus a raison. Vous pourriez aller faire ça un peu plus loin. Allez, sortez vite d'ici. Quel con, celui-là. OK, on y va. On obéit à tes ordres. fait que là, le boss a dit « Allez baiser ailleurs. » Ils se font tuer, Devin. Non, là, il reste poigné dans le sleeping bag. Ah, tu voulais nous lire du Jonathan Roy, toi? Oui. Je demandais à Cédric de me le passer, c'est rendu à l'autre bout de la table. Je te passe toute la pile, OK? Avec une pièce et demie dessus. C'est d'ailleurs un don de Choc FM. Attention, il y a la passe VIP pour son show. Choc FM de nous avoir redonné cet album de Jonathan Roy. Je suis bien content. Mais on le fera pas jouer parce que ça a l'air vraiment trop dolle. Mais je pense que juste de lire les paroles et de se plonger dans la poésie avec un fond sonore approprié, je pense que ça va être mieux. Mais fais ça quand même assez monotone. Là. Il faut pas trop mettre d'emphase. Ah, ben, écoute, moi je rends le texte comme je le sens. Okay, fait que tout le monde se recueille, s'il vous plaît. Bon, alors je vous lis les 4 premiers mots de l'album. Every day is another day. Merci. Ouais. Ça roule, t'as sérieusement. Ouais. Excellent choix de musique de background. Ouais, je remercie Franz Liszt, 1847. Ensuite, la chanson Gone, le refrain. Gone, gone, gone again. Gone in a different world. Gone, gone, gone again. Out of this world. Gone, gone, gone again. Gone in a different world. Gone, gone, gone again. Out of this world. Écoute, faut pas que tu passes sous silence la toune 5. La toune 5 qui s'appelle Proud Father. Proud Father. Un nouveau mot. Un typo sur l'album. Sur le cover. Ouais, c'est sur l'arrière de l'album où tu vois le listing des tounes. Et puis la photo de l'arrière de l'album qui a l'air d'une première page du Fugue magazine. Ouais. Ou d'un extrait d'une annonce de Maxwell House. Ça veut dire Proud et Ground en même temps. Proud Father. Proud to be Ground. Il y a également ceci. Une petite dernière, mon gars, des boules. Je conclue avec ça. I know it's you, I feel it too. I know it's you, I feel it too. I know it's you, I feel it too. C'était la chanson You, mesdames et messieurs. Est-ce que t'as eu le beat? Voilà. Sordant. Jonathan Roy. Et Franz Litz. Cédric Taillon, Sébastien Crête, merci bien gros à vous deux d'être passés pour la première fois à 70%. Absolument. On va essayer de savoir le plus souvent possible. Ben oui. Il va falloir aller poser pour une peinture, nous autres, la semaine prochaine. Ça va être excitant, ça, mon gars. Chaud ce soir à 11h avant le film. Ah, bon, ben voilà. On s'en va voir une patente, là. Il va nous faire un petit tour de magie au douteux, là, juste avant le film. Ça va être parfait. Il y a la game de hockey, puis on commence après. Oh, merveilleux. DJ Georges, merci encore une fois. Ça fait plaisir. C'était 70%. On va vous laisser ici avec un bout des mutants de la deuxième humanité. Là. Ouais. Parce que c'est le titre du film. C'est la plus cool humanité, celle-là, la deuxième. La deuxième. Je me rappelle dans ce temps-là. C'était... C'est là que ça a commencé pour vrai. Ouais, les erreurs du passé, n'importe quoi. Oublié. Bon, ben, merci d'avoir écouté ça. On est là la semaine prochaine avec le quad au complet. Bye. C'est à Yadileven. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'elle était terrorisée. Elle s'est tuée, mais toi, réagis! Nous comptons sur toi, tu le sais! De résister. Inutile. Ce sont eux qui sont désormais les plus forts. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus qu'à nous résigner à notre mort certaine. Nous sommes quatre. Comment nous défendre? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Et tout cela, sans résultat. Rien n'a réussi et nous voilà pratiquement sans défense. Tu n'as pas le droit de nous laisser ainsi. Nous sommes encore assez forts. Et nous pouvons encore nous battre. Tu es notre chef et tu dois le rester. Non, pas si vite! Transportés ici. Ils veulent nous effrayer. C'est comme s'ils avaient voulu nous envoyer un avertissement. Ça suffit avec tes conneries! Ce cadavre est en décomposition, il vaut mieux s'en débarrasser. J'ai découvert quelque chose. Fais voir. Lundi 10 mai 2010, vous écoutez l'épisode 102 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de choc FM. Alors, c'est Julie au micro. Je ne trouve pas le jingle dans cette soirée très mal organisée. Mais alors, je vous demande de m'excuser, mais normalement, là, il y a une petite chanson dynamique. Comme visiblement, je suis mal préparée, ce que je vais faire, c'est que je vais me taire et je vais vous diffuser cette entrevue dont je vous parle depuis plusieurs semaines déjà. Et la voici enfin, c'est celle de Vincent Perriot, un auteur français, qui était en résidence à Québec pendant un peu plus d'un mois, dans un cadre d'échange entre Bordeaux et Québec, qui se passe chaque année. Et donc, voici un petit entretien un peu informel avec lui, qui a été réalisé il y a 2 ou 3 semaines. Photographié par...